Laissez-moi dans mon mode de vie, moi je joue pas le vice. Ça te laisse un chien pour voler, mais c'est pas grave le vice. Envie de tout péter, parce que les gens m'ont mis la haine. Plus envie de rigoler quand je pense aux frères qui purgent des peines. On a plus le même délire, donc arrête de feinter. Au quartier tu es interdit, tu pars sous vitre teinté. Rien que ça insulte les indies, tu sois pauvre ou blindé. Tu fais trop le fou parce que ça y est, t'as les cheveux teintés. Faut que je te parle de ma life, mec je suis pas de la night. Dis au MC que j'arrive, que je suis prêt pour le fight. Pour la quitter d'Idris, pour ce qu'ils font la baiser des 10. Parce qu'ils sont là quand c'est la crise, ça ramène pas sinon tu glisses. Faut que je m'organise pour avoir des réalises. Faut que la mise, tu veux t'en pouvais préparer les manics. Y'en a trop qui se la pètent au quartier, je vais les faire descendre. Après ça pèse la tête, comme y'en a eu des exemples. Reste pas seul sur tes gonds, fais pas le mec qui a les dents. Moi j'écoute pas les gens, ils te mettent des bâtons dans les jambes. Mode de vie, casse-os pour mes gants. J'sais qu'il y a plus d'assos dans cette life. C'est 1, 3, 5 l'équipe, j'fais mon taf et j'm'éclipse. Profitez bien les gens, j'sais que les jaloux vont m'écrire. C'est 1, 3, 5 l'équipe, j'fais mon taf et j'm'éclipse. Profitez bien les gens, j'sais que les jaloux vont m'écrire. M'implique, sérieux tu tombes à pic. Même tu mets pas les nerfs, j'suis tout seul, j'm'en fous ta clique. C'est pour son cellule, j'avoue la vie c'est nul. Pour vous des fois j'me saoule, j'crois j'ai une patrouille, j'l'insulte. J'suis dans ma bulle, toujours mon rap crapule. Même les vieilles ils écoutent, ils bougent leur tête comme des pendules. Coup tête comme Basile Boli, MC vas-y retourne au lit. Malgré tout j'suis toujours solide, mandat M.O.H. la soli. J'ai vu des balles, j'ai vu des gros coups de crosse. J'ai vu les presses de la ville, j'ai vu les 13 puntos. J'suis loin d'être une classe, loin d'être une star. Loin d'être une top, loin d'être un star. Loin d'être le plus fort, mais j'pas chauffé, parle pas fort. Et j'm'excuse si j'ai tort, si j'ai raison, ta tête j'la tord. Mon quartier j'l'adore, y'a des gens qui me tiennent à cœur. Niquez vos mères, bande de bâtards, faut se mettre aux cartes, mandat cœur. Chaîne de la casse, rap under comme un casse. 1-3-5 c'est la basse, c'est les putes qu'on tabasse. Carré sur la basse, freestyle sur la place. Si j'ai quelque chose à dire, t'inquiète pas, je te le dis en face. On parle pas trop ici, c'est pas la West Coast. J'ai des gains derrière moi pour sortir des best-of. Je me mélange pas, ceux qui ont pas mon délire. Ici c'est Giro Deli, même si je me suis mis en mode tueur délire. Mauvais délire, j'étais au jaune, je lâchais des rimes. Demande à Hamza ou Kader, on croyait qu'on allait périr. L'avocat passe, salut Dio, tu vas ma chérie. Le surveillant passe, de ferme ta gueule, fais pas le shérif. Tu fais des coups, l'avocat te pète les côtes. Devant la victime, tu rigoles, le PJ, tu le choques. CPD m'ont fait zonder, me noter à l'arrière. Ils cherchaient ma voiture pour éclaircir les affaires. Je partageais ma barquette, j'ai même perdu des kilos. Un frère, c'est plus un frère, devant le boule de kilo. Mode de vie, casse-os pour mes gars. J'sais qu'il y a plus d'assos dans cette life. C'est 1, 3, 5 l'équipe, j'fais mon taf et j'm'éclipse. Profitez bien les gens, j'sais que les jaloux vont m'écrire. C'est 1, 3, 5 l'équipe, j'fais mon taf et j'm'éclipse. Profitez bien les gens, j'sais que les jaloux vont m'écrire. Mode de vie, casse-os pour mes gars. J'sais qu'il y a plus d'assos dans cette life. C'est 1, 3, 5 l'équipe, j'fais mon taf et j'm'éclipse. Profitez bien les gens, j'sais que les jaloux vont m'écrire. C'est 1, 3, 5 l'équipe, j'fais mon taf et j'm'éclipse. Profitez bien les gens, j'sais que les jaloux vont m'écrire.